professeurs. Leur mission, c'est d'enseigner l'évolution, le devenir de la science telle qu'elle se fait, telle qu'elle se construit, que c'est un des éléments qui fait l'attractivité des cours. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il y a beaucoup de gens qui viennent assister à ces cours librement, qui ne sont pas spécialistes forcément du domaine étudié, mais qui sont fascinés par l'idée qu'ils sont dans un milieu où ils voient la science en train de s'élaborer. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi démystifier les notions auto-héroïsantes comme le talent et la créativité, s'interroge Pierre-Michel Menger. Pourquoi la distinction entre emploi routinier et emploi non routinier ? Pourquoi le postulat de l'égalité absolue des talents individuels est la condition de l'abondance des ressources chez Marx ? Pourquoi récuser l'équation liberté, égalité, individualisation comme étant génératrice de concurrence et de captation transmissible de profits d'exploitation ? Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, directeur d'études à l'EHESS, achève aujourd'hui sa grande enquête en forme de diptyque sur 2 années dans le cadre de sa série intitulée « Qu'est-ce que le talent ? Éléments de physique sociale des différences et des inégalités ». Depuis le cours précédent, il nous livre une certaine actualité de Marx et de Durkheim pour interroger les énigmes qui entourent la notion de talent et les inégalités que cette notion entraîne. Et nous gagnons le Collège de France le 6 avril 2018 pour le cours de Pierre-Michel Menger. Marx n'aurait certainement vu dans le Dictionary of Occupational Titles américain dont j'ai parlé dans un cours antérieur et dont j'extrayais des données dans ce deuxième cours et dans les centaines de caractéristiques qui servent à décrire chaque métier, il n'y aurait certainement vu qu'une ruse de la raison capitaliste pour faire croire à l'hétérogénéité irréductible et irréversible de chaque activité, notamment lorsqu'on s'élève dans la hiérarchie des qualifications. Encore une fois, Marx peut bien admettre l'importance des différences individuelles de capacité productive dans l'état présent de l'organisation économique, mais il en attribue l'origine aux forces sociales qui structurent l'allocation inégale des chances de développement des capacités individuelles. Alors, comment désingulariser les particularités du travail des différents travailleurs ? Ceux-ci sont, de fait, dans l'état présent du système, dotés de capacités différentes, sont employés dans des branches d'activité, dans des entreprises plus ou moins avancées technologiquement. Ici, je suis littéralement Marx. Et connaissent des conditions variables de travail. Toutes ces particularités sont responsables d'importants écarts dans les quantités de temps nécessaires pour produire une unité de marchandise, selon la théorie marxienne, ne serait-ce qu'en raison de la composition variable de capital et de travail qui est requis pour cette production, en raison de la situation des entreprises au regard de l'adoption des technologies et en raison des conditions d'éducation et de santé de la main-d'œuvre. Pour absorber et réduire analytiquement toutes ces particularités, Marx doit recourir à un motif célèbre qui est l'abstraction du temps de travail socialement nécessaire. Face à la diversité des espèces de travail, que reste-t-il d'essentiel quand on raisonne en ayant contrôlé l'action de tous les facteurs d'hétérogénéité ? Marx répond : il reste la quantité physique d'énergie qui est dépensé dans l'acte de travail et qui est le seul socle possible d'une conception qui veut rendre toutes les espèces de travail commensurables. Et de fait, Marx construit sa théorie de la valeur travail en établissant un lien direct entre travail abstrait et travail simple. La conception de Marx est strictement additive. Dans la réduction égalitaire de toutes les variétés de travail à une quantité moyenne purgée de ses attributs particularisants, autrement dit ce fameux travail simple, moyen, abstrait comme unité de base, le travail complexe s'obtient en ajoutant simplement une composante éducative dont le coût est équivalent au coût des moyens humains et matériels engagés pour éduquer le travailleur. C'est la suite de de la citation de Marx. Je ne vais peut-être pas la lire entièrement. Et je vais juste citer le texte qui est en gras. Le travail complexe n'est qu'une puissance du travail simple, ou plutôt n'est que le travail simple multiplié, de sorte qu'une quantité donnée de travail complexe correspond à une quantité plus grande de travail simple. Corrélativement, si le travail fournit les moyens de couvrir les besoins individuels, ces besoins eux-mêmes doivent pouvoir être calibrés de manière homogène pour pouvoir être tous satisfaits, afin que l'évaluation et la rémunération des différentes espèces de travail ne puissent pas fluctuer en fonction d'une dispersion immaîtrisable des préférences et des situations individuelles, ce qui briserait la relation entre la juste rémunération du travail et la juste couverture des besoins individuels. Donc, on le voit, l'objectif, il est cohérent. Si toute l'architecture des métiers n'est pas aussi incroyablement différenciée et complexe qu'on le prétend, alors la différenciation multidimensionnelle des qualités individuelles des travailleurs, à l'aide de toute cette technologie de production et de mesure des hard skills et des soft skills, n'a plus de raison d'être. Le travail qualifié n'est qu'une quantité supérieure de travail non qualifié. Le résultat assez curieux de cette construction, c'est celle, construction encore une fois, indexée sur un idéal de perfectionnement à la Aristote, mais d'un perfectionnement sans rivalité, c'est une forme paradoxale d'individualisme indifférencié. Les individus ne peuvent pas interagir autrement que selon le principe d'une complémentarité ou d'une relation d'identité par symétrie, c'est-à-dire selon une fameuse expression de Marx, une structure en miroir qui place face à face deux libertés et deux individus complets qui se donnent à eux-mêmes leurs propres règles. Tout ceci afin d'éviter qu'affleurent des différences et avec elles des situations d'échange et de transactions fondées sur des avantages comparatifs dont chacun pourrait tirer profit pour faire ce que l'autre ne ferait pas aussi bien ou aussi volontiers, bref, pour éviter qu'advienne la spécialisation et la marchandisation de l'acte productif. Il faut en effet neutraliser tous ces ferments de concurrence et de réduction marchande du travail et du travail pour la consommation, car ceux-ci pourraient provoquer la sélection différenciatrice de certaines aptitudes et avantager certains individus. D'où, encore une fois, un postulat tout à fait fondamental qui est l'égalité absolue des talents individuels. Pour qu'il n'y ait pas de concurrence, ni de rivalité, ni de comparaison interindividuelle classante, ni de division aliénante du travail, ni de rapport d'exploitation du travail, il y a une ultime condition qui constitue, à vrai dire, la clé de voûte de tout l'édifice. Cette condition, c'est l'abondance des ressources. D'une certaine manière, l'économie, celle que critique Marx, tout entière est définie comme la science de l'allocation des ressources rares. Et Marx, pour basculer dans un autre monde, espère et suppose que peut être réalisée une situation d'abondance des ressources. Parce que c'est quand il y a rareté qu'il y a lutte, opposition d'intérêt, violence. Une formule fameuse de Sartre dans la critique de la raison dialectique, ce livre auquel ici même Raymond Aron a consacré une série de cours magistrales qui a été publié sous le titre « Histoire et dialectique de la violence » en 1973. Une formule donc fameuse de Sartre, c'est de dire « La rareté, c'est l'unité négative de la multiplicité des hommes. » On peut dire en peu de mots beaucoup de choses. Alors que, selon Sartre, la relation humaine fondamentale est la réciprocité, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre comme liberté et comme projet, la rareté transforme cette relation en un champ de force où il n'y en a pas assez pour tout le monde. L'énoncé de la condition d'abondance des ressources et l'hypothèse faite par Marx qu'il est réellement possible d'y parvenir ont de quoi désarmer ceux qui voudraient voir en Marx plus qu'un penseur utopiste pour évaluer la fécondité de son modèle ou pour le soumettre à une lecture productive. Jon Elster, dans sa lecture très analytique de Marx, voit une parenté directe entre cette condition d'abondance et l'autre hypothèse radicale, celle de l'absolue égalité des talents individuels. Et ces deux exigences, à lui, Elster, lui paraissent aussi irréalistes l'une que l'autre. Mais regardons un peu, comment envisager l'abondance des ressources ? Dans les Grundrisse, Marx insiste sur les rapports changeants du capital et du travail dans l'évolution de la production et sur l'une des conséquences remarquables qu'il faut en tirer. Mû par les innovations technologiques, le capital constitué par les machines, par les équipements, par les infrastructures et par l'ensemble des techniques qui sont employées dans la production de biens et de services, incorpore toujours davantage de connaissances produites par le savoir humain et par ses avancées. Cette évolution pousse à réduire le temps de travail humain et à augmenter la part consacrée par les individus au libre développement de leur personnalité dans des activités de tous ordres, scientifiques, culturelles, artistiques, quelles qu'elles soient. Le capital appelle ainsi, je cite Marx, à l'existence tous les pouvoirs de la science et de la nature, comme ceux des combinaisons sociales et des interactions sociales, pour rendre la création de richesses, entre parenthèses, relativement indépendante du temps de travail employé pour les produire. Donc l'objectif de Marx, c'est de mettre cette forme de contradiction, utiliser ce que le capitalisme produit comme avancée technique, scientifique, remarquable, au service du dépassement du capitalisme, au service de la transformation sociale radicale du travail et des rapports de production. La clause de suppression de la contrainte de rareté indique que les machines peuvent prendre en charge le travail aliénant, un motif qui a retrouvé une certaine actualité. Ce qui est donc curieux dans le raisonnement de Marx, c'est que l'argument de l'abondance des ressources est entièrement bâti sur l'héritage du passé. Les innovations techniques, en tout cas c'est mon interprétation, les innovations techniques et la puissance entrepreneuriale du capitalisme ont été si efficaces, mais dans les conditions que dénonce Marx, qu'elles ont fini par engendrer un progrès technique cumulatif et quasiment auto-entretenu. Bien, mais comment donc ces innovations ont-elles eu lieu ? Exactement par l'exploitation de tout ce qui doit être aboli dans la nouvelle société. Spécialisation, différenciation, talent, comparaison, compétition, exploitation, échec, tentatives innombrables, désastres techniques, etc. et réussite triomphale. Ce qui signifie que le progrès technique n'aurait plus du tout besoin de se nourrir de ces conditions antérieures et qu'il aurait donc changé radicalement de nature parce qu'il n'y aurait plus besoin de scientifiques et d'ingénieurs, certes inventifs, mais aussi ardemment concurrents, ni d'entrepreneurs innovateurs pour prendre des risques, échouer, recommencer, rivaliser d'ingéniosité, comparer leurs avancées, coopérer et se concurrencer pour mettre laborieusement au point des découvertes et les transformer en innovations techniques. Toutes les analyses qui existent sur les questions d'efficacité et sur les arbitrages entre efficacité et équité, un fameux motif, indiquent combien ce dilemme est central. Comment peut-on obtenir en même temps la plus grande efficacité, par exemple dans la course à l'innovation, et adopter simultanément tous les mécanismes qui réduisent ou même contrarient l'expression des différences individuelles, pourtant, en partie au moins, responsables de cette efficacité productive. Marx suppose, c'est sa réponse, que l'efficacité et l'égalité radicale sont simultanément possibles. Il doit fonder toute sa construction sur les bénéfices d'un développement continu des capacités d'innovation, puisque c'est le seul moyen de libérer le travail humain. Contradiction possible sur la question de savoir comment atteindre un état de non-rareté désigne en fait, à travers ce qu'exige le cheminement vers cet idéal d'abondance, le vrai couple moteur de la construction marxienne, les deux postulats rigoureusement inséparables de l'égalité des talents et de la simplification homogénéisante du travail. Ce sont ces deux postulats qui soutiennent entièrement l'argument marxien selon lequel l'échec dans quelque activité que ce soit deviendra impossible et que donc le progrès sera auto-entretenu. Pour parvenir à un système de production sans division du travail et sans affaiblissement des forces productives génératrices d'innovation et de croissance, propres à couvrir tous les besoins, je vous rappelle que c'est à chacun selon les besoins dans le nouveau système, Marx doit donc se débarrasser de la différenciation individuelle et de la différenciation des tâches selon leur degré de complexité. C'est ensemble, ces deux motifs font couple. Et que faut-il au juste faire en procédant ainsi? Il s'agit tout simplement de naturaliser l'activité productive. Cette naturalisation de l'agir productif est l'héritage direct de la conception expressiviste de l'individu qui a été forgée à la fin du XIXe siècle, et que connaissait très bien Marx d'ailleurs, et de la conception hegélienne de l'action humaine comme moyen pour l'individu d'extérioriser son essence et de la développer dans la relation avec ce à quoi il est confronté, c'est-à-dire la transformation de son environnement. Cette naturalisation apparaît directement dans une formule aussi fameuse que provocatrice, par laquelle Marx voulait faire un pied de nez à l'idéalisme des théories de la création artistique. La formule de Marx, c'est « Milton, le poète, a produit « The Paradise Lost », le paradis perdu, pour la même raison qu'un ver à soie produit de la soie. C'était une manifestation de sa nature. » Avant de la commenter, je voudrais rappeler l'enjeu de cette double réduction vers l'indifférenciation des individus et vers l'indifférenciation des formes de travail. L'objectif de Marx, c'est de sauver l'idéal aristotélicien du perfectionnement individuel par l'agir productif, mais sans le subordonner à une logique virtualiste différenciatrice. Chez Durkheim, chez Rousseau et dans toutes les théories contemporaines qui reposent sur l'argument de l'interaction entre une signature de l'individu ou de l'individuation, par exemple génétique, et la puissance formatrice de l'environnement et de l'éducation, le motif virtualiste est tout le temps présent, mais il est toujours couplé à l'argument décisif de l'interaction, parce que la virtualité n'est pas du tout une simple puissance en réserve qui serait différemment répartie entre les individus et entièrement ou essentiellement responsable originairement des inégalités de réussite et de conditions. Cet argument maximaliste d'une puissance en réserve qui n'a qu'à se déployer pour produire des écarts considérables, on ne la trouve nulle part, ni chez les généticiens au XXe siècle, ni chez les biologistes, ni chez les psychologues, ni chez les économistes. Et Dieu sait si on a beaucoup travaillé ces sujets, mais on les a travaillés plutôt pour régler le calcul de coefficients plutôt que du tout ou rien ou du énorme et presque rien. On ne la trouve, à vrai dire, que chez les eugénistes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Comme nous l'avons vu avec Durkheim, qui était en cela héritier de Rousseau, mais aussi de la science de son temps, l'hypothèse qui doit prévaloir est celle d'une dotation initiale éminemment malléable qui entre si bien en composition avec de multiples facteurs externes et selon une causalité dynamique suffisamment non linéaire pour que le facteur biologique connu sous le motif de don, c'était déjà le vocabulaire de Durkheim, pèse très peu statistiquement face à la complexité des processus responsables du développement individuel quand, d'emblée, le nouveau-né interagit avec un environnement et doit son développement cognitif, affectif, physiologique à toute la matière éminemment humaine et sociale de cet environnement. C'est très exactement la raison pour laquelle l'éducation peut agir pour égaliser tendanciellement les situations qui, si les effets cumulatifs de l'interaction entre la différenciation individuante et les inégalités sociales d'environnement des individus agissaient sans frein, conduiraient non pas simplement à une inertie reproductive pure d'une structure sociale, mais à une polarisation exponentielle des écarts par le simple jeu symétrique de l'avantage et du désavantage cumulatif qui opérerait sans aucune correction. Et il est hautement significatif que cet argument soit déjà en place chez Durkheim dès son premier grand livre, La division du travail, car la matière du développement des capacités individuelles est directement distribuée dans l'univers du travail et dans l'architecture des métiers qui sont à la fois fonctionnellement interdépendants. Tous les métiers sont complémentaires dans une conception organique de la division du travail, mais qui sont aussi hiérarchisés en complexité. Et la hiérarchie de complexité des tâches sollicite directement les investissements éducatifs plus ou moins élevés des individus. Et comme les rouages du développement des individus contiennent une composition de force, il est possible d'agir à la fois sur les chances d'éducation et de l'autre côté sur les objectifs normatifs de la bonne organisation de la complémentarité des activités, notamment en recourant à une équation socialement tolérable de proportionnalité entre les investissements éducatifs, la position des métiers dans la hiérarchie de complexité des activités et la rémunération du travail. Alors revenons à Marx. Je ne connais pas de théorie marxienne de l'éducation, mais nous avons rencontré le motif du savoir incorporé dans le travail via l'éducation. Un travail complexe, c'est un travail simple, plus de la formation des gens à exercer ce travail. Et comme l'objectif normatif de Marx, c'est d'homogénéiser le travail, il lui faut aussi rendre la relation entre éducation et travail strictement additive. Un travail complexe, c'est un multiple du travail simple sur le double plan de l'effort, de l'énergie à dépenser et du capital éducatif à mobiliser. Comme la relation est linéaire, tout individu formé est assuré de réussir dans toutes les tâches, quelle que soit leur complexité, puisque la complexité n'est qu'un multiple de la simplicité. Le poète Milton, travaillant comme un ver à soie, voilà le point. L'énergie d'effort est une force naturelle. Elle est engagée sans mal, si aucune force perturbatrice liée à une mauvaise organisation sociale ne vient contrarier son expression. Il n'y a donc aucun problème de motivation. Le travail du poète est-il réellement aussi simple que le travail du ver à soie? Non, bien sûr. Le travail complexe est un multiple, rappelons-nous. Donc l'effort doit être plus grand. Et c'est le sens de cette fameuse citation fameuse de Marx pour critiquer à la fois Adam Smith et Joseph Fourier. Voilà, Adam Smith ne semble pas avoir d'idée que surmonter les obstacles puisse être en soi une activité de la liberté, que le travail soit attractif, auto-effectuation de l'individu, ce qui ne signifie en aucun cas qu'il soit pur plaisir, pur amusement, comme le pense Fourier avec ses conceptions naïves et ses visions de grisette. Des activités effectivement libres, la conception d'une œuvre musicale par exemple, requiert justement à la fois un sacré sérieux et l'effort le plus intense. Mais le poète est tout de même aussi un ver à soie. Il ne peut pas échouer par lui-même. L'échec est entièrement imputable aux conditions d'organisation du travail, de la production, de l'échange marchand. Ce qui conduit à ceci, le potentiel de chaque individu est exactement le même, il se développera au même niveau chez tous si les conditions sont égalisées et il permettra à chacun de réussir également dans toutes les activités. D'où cet argument d'ailleurs de la polyvalence heureuse de l'individu travailleur marxien dans une société post-capitaliste. Vous savez, il pourra être mathématicien le matin, jardinier à midi et poète le soir. C'est ce qu'il écrit. La sémantique capacitaire du talent est radicalement convertie en sa formule, comme on dirait aujourd'hui, la plus inclusive possible. C'est une force naturelle qui ne demande qu'à s'exprimer. Maintenant, que veut dire au juste supprimer l'échec ? la possibilité d'échouer dans une activité, c'est une qualification du coefficient d'incertitude qui est inhérent à une activité. Et qu'est-ce que c'est que cette incertitude ? Alors, prenons le cas du travail artistique, puisque c'est un modèle d'accomplissement de soi émancipateur selon Marx. Marx s'est beaucoup servi des arts comme un de ses modèles. Et qu'il est aussi, dans la citation que je donnais du poète vers à soi, un cas pur de naturalisation égalitaire de la créativité et du talent, selon Marx. L'incertitude, elle a deux faces. Elle a une face interne et une face externe. Une face intrinsèque et une face extrinsèque. La face interne, c'est celle du cheminement tâtonnant et non linéaire du travail, son cours plus ou moins chaotique dans des activités complexes, avec ses bifurcations, ses repentirs, ses révisions, ses recommencements, ce que Marx appelle d'ailleurs le travail difficile du compositeur. La gratification que procure un tel travail vient de là précisément, car créer, c'est en effet ne pas savoir d'avance ni quel sera le résultat, ni quelle sera la quantité d'essais et d'erreurs qui vont surgir durant le processus de travail, ni où se situera le point d'inflexion à partir duquel plus d'efforts deviendra improductif. Et parce que le résultat ne peut pas être anticipé comme une cible certaine qu'on pourrait atteindre assez sûrement à l'aide d'un bon schéma de travail ou à l'aide d'un algorithme, l'artiste peut se réjouir d'être surpris ou même d'être dépossédé des moyens de contrôler complètement son action. Et l'artiste mettra les surprises stimulantes ou désarmantes de son activité en balance avec le labeur ou la douleur de ses tâtonnements. Maintenant, il y a la face extrinsèque de l'incertitude dans le travail. C'est la valeur qu'autrui reconnaît au résultat et qui expose le dit résultat à des mises en comparaison avec ce qui a déjà été fait par d'autres. Est-ce que c'est vraiment original ? Ou avec ce qui se fait aujourd'hui, est-ce que c'est plus intéressant, comme on dit, que ce que j'ai vu ou lu ou entendu récemment ? Si on rapproche les deux faces internes et externes de l'incertitude, on peut atteindre une observation très perturbante. Il peut très bien y avoir rigoureusement aucune corrélation entre la quantité d'efforts que met un créateur à produire une œuvre qui puisse le satisfaire et la valeur qui sera reconnue à cette œuvre par les professionnels, par les publics, par le marché, immédiatement ou à long terme. Ceci est en violation complète de la théorie de la valeur travail de Marx. Et Marx lui-même l'a d'ailleurs constaté, car Marx n'était pas un ver à soie. Il se cassait la tête pour résoudre les difficultés ou réemployer des solutions qu'il détectait chez Smith ou chez Ricardo. À sa propre théorie de la valeur du travail, de la valeur des objets ou des biens comme fonction de la quantité de travail requise pour produire ces biens et ces services, Marx a objecté, avec raison, que la valeur d'un tableau, c'est son exemple, dépend de l'intensité de la demande qui est faite pour ce tableau. Pourtant, avance Marx, l'objection pourrait être levée, l'objection à sa propre théorie, pourrait être levée si les sociétés étaient organisées en se fondant sur des relations autres que celles de la compétition de marché. Autrement dit, cette intensité de demande structurée par le marché. La vision marxienne mène en fait alors à l'idéal d'une communauté de créateurs dont l'activité n'est perturbée par aucune relation de compétition. C'est ce qu'a noté Elster, que j'ai déjà cité. Un tel modèle présuppose que le travailleur créateur n'expose pas les résultats de son travail à des consommateurs qui pourraient juger, mais à des spectateurs, en somme, eux-mêmes créateurs, afin d'éviter les conséquences négatives de la compétition. Donc, admettre que l'échec est impossible, c'est postuler que chaque travailleur créateur doit être indifférent à toute appréciation du résultat de son travail par les autres, quelle que soit cette appréciation, parce que cette évaluation, si elle avait lieu, porterait peut-être les germes de la comparaison, et que la comparaison peut susciter l'admiration comme elle peut susciter l'envie et la frustration. Et puisque Marx supprime l'incertitude extrinsèque, il doit aussi supprimer la forme la plus élevée d'incertitude intrinsèque, non pas la difficulté, mais l'échec. Toute entreprise créatrice est assurée de réussir maintenant qu'elle n'est plus soumise à une évaluation externe, parce qu'elle doit correspondre simplement à l'expression spontanée de la bonne nature de l'individu. L'incertitude extrinsèque et l'incertitude intrinsèque sont les deux revers d'une même médaille. Ce qui rend le travail créateur, inventif, expressif et gratifiant est aussi ce qui en fait un défi, ce qui oblige à tâtonner, à procéder par essai-erreur. En ce sens, le travail en ce qu'il contient de créateur est couplé avec des moyens qu'ont les individus d'essayer de gérer des perspectives incertaines. On a des techniques pour rationaliser l'échec, il y a des mécanismes de résilience, savoir rebondir, et on peut se choisir un groupe de référence auquel se comparer, et pas se comparer au panthéon des génies, mais à des collègues avec qui on se met en relation de comparaison. Dans le schéma marxien, comme je l'ai souligné, le talent lui-même et les différences de talent disparaissent puisqu'il n'y a plus aucune performance relative, plus ou moins fructueuse, plus ou moins admirable, et que chaque acte de travail atteint pleinement son but. Le Collège de France et France Culture vous présentent le sociologue Pierre-Michel Minger. Aujourd'hui, qu'est-ce que le talent ? Conclusion. Ce que je veux dire maintenant, c'est retenir deux leçons de ce développement. La qualification des activités et la qualification des individus sont co-déterminées. Pour des activités complexes, les qualités recherchées sont partiellement non mesurables et l'incertitude dans laquelle opère un mécanisme de recherche, de sélection et de recrutement, par exemple quand il s'agit d'emploi ou aussi d'allocation de fonds dans des financements sur projet dans la recherche, par exemple, cette incertitude tient à la fois à la dimension non routinière du travail et à l'incertitude sur les chances que l'individu disposera des capacités ou développera les capacités et les compétences qui ne peuvent pas être spécifiées a priori, parce qu'en partie, elles sont formées ou augmentées sur le tas, dans l'interaction avec tous les facteurs de l'environnement organisationnel et dans l'interaction entre l'individu, ses contenus de travail et ses collègues et partenaires de travail. Donc vous compreniez mieux l'enjeu et aussi toutes les difficultés internes de l'opération de réduction analytique à laquelle procède Marx et dont tous les rouages sont totalement solidaires des uns des autres. Abolition de l'incertitude, abolition de la complexité multiplicative au profit d'une complexité simplement additive, égalisation des capacités, réduction du futur à une extrapolation linéaire. Une fois franchie, la seule étape de rupture de tendance qu'est la révolution des rapports de production, c'est-à-dire la révolution communiste, destinée à libérer le plein potentiel des forces productives. Vous comprenez mieux aussi comment la différenciation des activités selon leur niveau de complexité, dont j'ai présenté un certain nombre d'éléments dans le deuxième cours, est solidaire de la sémantique différentialiste du talent, notamment dans les activités à forte intensité de recherche et d'innovation technologique qui sont plus imprévisibles et plus risquées, au moins tant qu'on a une position ou qu'on recherche une position de leader pour pouvoir contrôler ses concurrents. Au lieu d'une distinction linéaire additive comme celle qu'utilise Marx pour concevoir tout travail comme une variante simple d'une unité abstraite qu'est le travail simple, la sociologie du travail et des organisations dispose d'un autre outil qui a inspiré l'économie la plus contemporaine sans que celle-ci l'avoue ou, hypothèse plus généreuse, le sache vraiment. sa dette à l'égard de la sociologie. Ça arrive. C'est la différenciation des activités entre leur caractère routinier et non routinier, qui n'aboutit pas à une échelle hiérarchique simple des emplois. Il se trouve que cette distinction a une portée opératoire toute particulière dans les activités qui sont précisément responsables des avancées techniques dont Marx espérait qu'elles pourraient, en étant mises au service d'une autre organisation des rapports de production, libérer l'individu. Alors qu'est-ce que c'est que cette distinction ? Régulièrement, dans les controverses entre les identifications et le management inclusif ou exclusif du talent, la question est posée de la nature des tâches et des emplois qui nécessitent de faire appel à des aptitudes dépassant l'investissement standard en capital humain pour acquérir des compétences. Et parallèlement à l'usage grandissant de cette monnaie qu'on appelle talent dans la gestion des ressources humaines, un retour de la théorie fonctionnelle de la stratification des emplois a encouragé une analyse fine des tâches selon leur contenu routinier ou non, puisque la distinction entre emploi routinier et non routinier a attiré une énorme attention au sein de la littérature de recherche sur la polarisation des emplois et sur les changements technologiques qui nécessitent des compétences complémentaires ou non des individus. En caractérisant les facteurs déterminants en fonction déterminante du degré ou non de routine, les facteurs déterminants de l'activité et de son cours, comment travaille-t-on et comment évolue l'activité dans un travail, en fonction de leur variance, c'est-à-dire de la dispersion possible des résultats, on peut cartographier les activités le long d'un axe qui court des tâches les plus standardisées et répétitives jusqu'aux moins routinières, en se fondant sur le fait que les déterminants de l'action ont eux-mêmes une haute ou une faible variance. Et à cet égard, les activités de recherche ou de création artistique, mais aussi des activités peut-être symboliquement moins prestigieuses, comme la publicité, le pari, le combat, le sport, les marchés boursiers, sont parmi les entreprises humaines les moins routinières, parce que leurs résultats sont très imparfaitement prévisibles. Le pouvoir de séduction et le très grand prestige des professions non routinières est lié précisément au degré d'imprévisibilité des résultats et du succès. Alors, nous pouvons résumer le raisonnement ainsi. Les emplois comme les compétences doivent être définis de manière probabiliste. Les deux. La compétence, c'est la probabilité de réussir sa tâche aussi bien que possible, peut-être excellemment. Les emplois, eux, diffèrent en fonction des taux de succès de ceux qui les occupent. Dans certaines positions, le succès est peu fréquent et les réussites exceptionnelles excèdent de beaucoup la norme. Tandis que dans d'autres emplois, les travailleurs formés échouent rarement, ce qui laisse peu de place pour des performances superlatives et pour les célébrer. Et c'est ce que fait, par exemple, dans une brève citation, dans un article très connu sur les superstars, Sherwin Rosen, qui dit « Certaines tâches sont si routinières et si circonscrites par la pratique existante que presque toute personne compétente y obtient à peu près le même résultat. Les autres sont plus difficiles, plus incertaines, et cela étant, offrent de plus grandes possibilités de façon de procéder et de décider alternatifs. De telles tâches offrent un plus grand espace pour que le talent supérieur puisse se démarquer et laisser son empreinte. Les meilleurs médecins passent une plus petite partie de leur temps sur les cas routiniers et une plus grande fraction sur les cas difficiles par rapport à leurs confrères de compétences plus modestes. » Que vaut cette distinction entre routine et non-routine et quelle est sa portée pour les organisations ? L'une des voies classiques de la discussion critique ou de la démystification de la mythologie du talent et des performances supernormales consiste à réduire la non-routine à une variante du travail routinier. Et en cela, on est dans une sorte de descendance de l'argument marxien. Alors évidemment, le coefficient de routine d'une activité n'est pas quelque chose de fixe, comme s'il était dérivé d'une ontologie des tâches. En fait, ce coefficient varie, et ce qui est non routinier peut être routinisé plus tard par l'emploi de technologies supérieures. La possibilité inverse peut exister certainement aussi. Comment déroutiniser quelque chose qui était routinier? Mais c'est une discussion que je ne vais pas mener ici. Par exemple, adopter une vieille technologie parce qu'elle est vintage. Mais la réduction critique pure et simple de la distinction routine-non routine ne fonctionnera pas bien si elle est radicale, cette réduction critique. En voici un indice. Il existe un travail assez connu dans la communauté des sociologues, notamment cité par ceux qui veulent critiquer de la manière la plus radicale ce que peut être l'argument du talent. Ce travail, c'est celui de Daniel Chambliss, qui a porté sur le monde des nageurs de niveau olympique. Chambliss veut montrer comment une performance superlative qui amène à obtenir une médaille aux Jeux olympiques, ou en tout cas à plonger dans le bassin pour essayer de l'obtenir, peut être réduite à de prosaïques pratiques quotidiennes. Ce n'est pas une affaire de talent, c'est juste une affaire d'effort ou de 10 000 heures de travail. Donc, comment une activité qui offre tant de place à l'amélioration de la performance pourrait-elle être vue comme routinière? Il doit exister une variabilité essentielle dans ses déterminants et une variabilité qui provoque un processus de hiérarchisation ou de progression jusqu'à l'excellence. La réponse offerte par Chambliss est un peu énigmatique. Ces différences dans les pratiques routinières entre tel ou tel nageur qui permettent aux athlètes d'atteindre les plus hauts niveaux ne sont pas quantitatives, c'est-à-dire plus d'efforts, mais qualitatives. Elles consistent en sauts qualitatifs. Et c'est là que ça devient intéressant. Des changements notables dans leur technique, dans leur discipline, dans leurs attitudes, qui sont obtenus habituellement, dit Chambliss, par un changement dans le cadre et le milieu d'entraînement, je le cite littéralement, par exemple, par l'intégration dans une nouvelle équipe avec un nouvel entraîneur, avec de nouveaux amis qui travaillent à un niveau plus élevé. Sans de tels sauts qualitatifs, aucune amélioration majeure n'aura lieu. Cette distinction entre quantité et qualité est un peu curieuse. Donc, la routine peut tout à fait caractériser la détermination journalière du nageur et expliquer les petits incréments de performance qu'il peut obtenir graduellement ou elle peut obtenir graduellement. Mais si la hiérarchie globale des performances qui en résulte vient d'ailleurs, cela signifie en fait que les sauts, dont parle Chambliss, en qualité et en quantité, sont simplement un autre terme pour le processus multiplicatif qui est ma solution à toute cette histoire de talent. Le modèle de la pratique délibérée, c'est-à-dire travailler sans cesse, se consacrer avec intensité à une activité suffirait. Pratique délibérée, c'est deliberate practice, c'est un vocabulaire qu'utilisent les psychologues quand ils se battent contre ceux qui disent le talent, ça n'est pas rien, et d'autres disent si. Le talent, c'est rien, il n'y a que l'effort. Et le terme de practice, deliberate practice, qui est très utilisé par un psychologue qui s'appelle Erickson, ce modèle se construit sur la combinaison additive de l'effort et du travail routinier, mais il n'explique qu'une petite partie de la variance des performances. Et en outre, le pourcentage de la variance expliquée varie significativement selon les domaines de pratique et atteint habituellement son minimum quand on invoque la pratique et l'effort simplement pour des activités dont l'environnement de travail est faiblement prévisible. On l'a montré dans de nombreuses méta-analyses. Autrement dit, dès qu'on est dans des activités un peu complexes, l'argument de l'effort ne suffit plus du tout et encore moins que dans d'autres. Et en tout cas, le modèle laisserait de toute façon inexpliqué le facteur de l'effort lui-même. Comment être motivé à à avoir, à consacrer autant d'efforts à une activité. Or, quand on raisonne en termes de pratique délibérée, on substitue simplement l'effort au talent. Mais on risque de substituer une boîte noire à une autre. Et de fait, la motivation ne peut prendre son pouvoir explicatif complet que si elle est localisée elle-même dans ce que j'appelle une fonction de production multiplicative, ou, quand on veut faire savant, supermodulaire. La productivité marginale de l'effort augmente lorsque l'effort interagit avec les différentes autres composantes de ce qui est appelé de manière globale le talent. Et la production de performances exceptionnelles dans des activités qualifiées, où les chances de résultats exceptionnels sont faibles, donc on est bien chez les nageurs olympiques d'une certaine manière, correspond à ce que Herbert Simon a appelé un système complexe qui prend la forme d'une hiérarchie. Les praticiens sont classés sur leur niveau relatif, ils évoluent vers une strate plus élevée lorsqu'ils souhaitent ou qu'ils sont capables d'améliorer leur performance, pas où et qu'ils sont capables d'améliorer leur performance. La performance au sein de chaque strate est le produit d'un nombre important de facteurs qui interagissent de façon non triviale, tandis que la stratification de tout le système, c'est le résultat du fait que l'identification et l'interaction de ces déterminants sont sujets à un contrôle organisationnel plus étroit à mesure qu'on monte vers les niveaux les plus élevés. Quand on est dans les niveaux les plus élevés, on a droit à l'aide de la fédération, des coachs, etc., etc., et parce qu'il faut que ça produise, notamment des médailles, pour que les champions nationaux représentent l'excellence française, ou coréenne, ou nord-coréenne, ou tout ce que vous voulez. Enfin, selon le modèle de complexité de Simon, chaque déterminant de la performance, technique, motivation, attitude, etc., doit lui-même être modélisé comme un sous-système contenant des déterminants variés en interaction. Après tout, je l'ai dit, la motivation et l'effort sont tout sauf des quantités additives simples. Il y a un dernier point dans tout ça, et qui est assez redoutable, la fonction de production multiplicative qui explique la performance imputée au talent comporte une autre caractéristique saillante, c'est sa structure organisationnelle. Au-delà du sens de l'organisation personnelle de chacun, qui peut être compté comme d'ailleurs une aptitude à développer, savoir s'organiser, il y a une structure d'organisation du travail qui correspond, et c'était déjà suggéré par Simon, à ce que j'appelle un jeu d'appariement assortatif, en anglais assortative matching ou selective matching. Et c'est à peu près exactement ce que désigne le texte de Chambliss, ces sauts qualitatifs dont il parle. Ces sauts résultent, dit-il, d'un changement de cadre, c'est-à-dire d'une amélioration de l'organisation du travail, mais comment ? Avec de meilleurs entraîneurs, de nouveaux partenaires d'entraînement, certainement de plus haut niveau, pour le pousser lui-même à être de plus haut niveau, et des compétitions de plus haut niveau. On change de bassin, en quelque sorte. Comme disait un économiste qui est remarquable à tous égards, Robert Frank, que les sociologues aiment bien lire, « Choosing the right pond », choisir le bon bassin. C'est une grande question. L'appariement assortatif caractérise une autre dimension de la nature multiplicative de la fonction de production. Et ici, on peut revenir à l'argument de Merton de l'avantage cumulatif qui est en partie tiré d'ailleurs de la parabole des talents. Vous voyez que je fais la boucle sur ce cours. Selon cet argument de Merton, un professionnel bénéficie du fait d'être associé avec des professionnels de qualité égale ou supérieure dans une organisation ou dans une équipe. Et de fait, pour assurer à quelqu'un, un artiste ou un scientifique, les meilleures chances de développer son talent, il est important pour lui de s'associer avec des professionnels de valeur ou de promesses de performance au moins comparables. Toutes les théories de la société doivent affronter la question du développement et de l'horizon du développement des individus. Soit il s'agit de postuler des écarts de capacité et de célébrer une excellence de supériorité qu'il ne faut surtout pas empêcher de s'exprimer. C'est une version nietzschéenne du perfectionnisme. Mais sans doute aussi un mindset, un état d'esprit répandu, par exemple, dans le chaudron prométhéen de la Silicon Valley. Et plus généralement, c'est une solution qui est ordinairement pratiquée par les marchés du travail très qualifiés qui misent gros sur les hard soft skills pour tirer le plus grand profit de la sélection des top talents dans l'économie de la connaissance et de l'innovation, qui est de fait une économie de concurrence directement et complètement mondialisée. Et le monde universitaire planétaire n'est pas le dernier à jouer ce jeu. Soit il s'agit de construire un système social, dans une théorie politique à la Rawls, ou de recommander de réformer la société, comme chez Durkheim, à partir d'un motif clé, l'égalisation des chances de déployer ses capacités par l'éducation ou par la bonne organisation des professions, mais sans abolir l'architecture hiérarchisée des professions et des activités, mais en contenant les effets disruptifs d'inégalités exponentielles. Soit il s'agit de récuser radicalement toute la machinerie sociale qui a pris appui sur le motif de justes inégalités, qui fut au cœur de la lutte des Lumières contre les inégalités héréditaires et totalement arbitraires d'anciens régimes, autrement dit pour récuser, dans cette posture radicalement critique, l'équation liberté-égalité, individualisation, parce qu'elle serait génératrice de concurrence et de captation transmissible de profits d'exploitation. Ça, c'est le schéma marxien. Avec le motif du perfectionnement de soi, nous tenons un argument qui permet de voir comment doivent être codéterminés ou déterminés solidairement la conception de l'individu, la conception de l'activité, de travail notamment, dans laquelle l'individu actualise ses capacités, la conception de l'ordre social et économique dans lequel l'individu est situé, soit empiriquement, soit normativement, je veux dire normativement, quel serait le meilleur système possible, et aussi la conception des équilibres de différenciation individuelle qui sont souhaitables selon les modèles envisagés. Dans mon cours, et c'est ma conclusion ultime, mon objectif était de prendre au sérieux l'actuelle talentification du management du personnel et les débats et controverses qui l'accompagnent. J'ai procédé à une analyse qui avait pour objectif d'éviter deux écueils bien connus. D'une part, la voie essentialiste, qui transforme la rétrodiction, s'il a réussi, c'est qu'il avait du talent, en une description déterministe tautologique. S'il a réussi, c'est parce qu'il avait du talent. Et d'autre part, j'ai voulu éviter la critique unilatéralement constructiviste et ses différentes variantes les plus radicales. J'ai rapproché divers courants de recherche qui s'intéressent respectivement aux écarts disproportionnés dans les carrières professionnelles à partir d'évaluations relatives fondées sur la performance, qui s'intéressent au processus de démultiplication et de scalabilité du travail et de la production, qui s'intéresse à la multidimensionnalité des compétences et à la technologie complexe de leurs fonctions de production, qui s'intéresse à la variabilité du travail non routinier et qui s'intéresse à l'effet de stratification de ce que j'appelle l'appariement assortatif dans le travail d'équipe et dans la collaboration. Dans un premier temps, j'ai abordé des enjeux définitionnels que recouvrent la notion de talent et aussi une autre notion qui lui est fréquemment accouplée, celle de créativité. Et une tension essentielle apparaît lorsqu'il s'agit de se demander dans quelle mesure les aptitudes, qui sont une signature de l'individualité, sont distribuées différentiellement. Et j'ai exploré le motif dispositionnel attaché à ce vocabulaire. Deuxièmement, il fallait trouver une issue à cette antinomie, ce qui suppose de substituer un raisonnement post hoc, après coup fallacieux, inférer une capacité d'après un résultat, il fallait lui substituer une définition formelle opératoire. Et j'ai montré que la mesure ordinale est la variable technique de calibrage de ce qu'on appelle talent. En retour, cela met en valeur l'énigmatique question de l'évaluation de la performance ou du travail dans un espace de différenciation qui est potentiellement illimité et de compétition par la recherche de la nouveauté, par exemple. Troisièmement, la sociologie, dans son mouvement constructiviste, s'emploie volontiers à démystifier ce qu'on peut appeler des notions auto-héroïsantes comme le talent et la créativité. Au sommet de cette échelle démystificatrice se trouve certainement l'analyse marxienne super-inclusive du talent, définie comme la capacité d'action sans entrave, se résolvant dans l'autoréalisation constante de soi. Il valait la peine d'explorer les contradictions auxquelles est confrontée cette perspective pour détecter les rouages principaux, d'un modèle contrefactuel. Quatrièmement, on peut parfaitement partir de l'hypothèse de différence d'aptitude négligeable au départ et déboucher sur des écarts énormes de réussite en croyant à tort pouvoir les imputer à un mystérieux différentiel proportionnel de talent. Deux candidats à l'explication causale de la relation de disproportion, qui est la vérité, existent du côté de la demande et du côté de l'offre. Et il est possible aussi de vérifier si des facteurs aléatoires peuvent suffire à déclencher un avantage cumulatif qui produit des différentiels de réussite. Cinquièmement, au lieu d'effacer complètement l'hétérogénéité individuelle, on peut vouloir ouvrir la boîte noire et redéfinir le talent comme le nom générique donné à tout un ensemble multifactoriel des déterminants qui agissent ou qui interagissent de manière multiplicative. Sixièmement, refondu selon ces axes, la compréhension du talent a besoin d'une spécification supplémentaire. Quels domaines et quels emplois recourent à et bénéficient de cette interaction multiplicative des caractéristiques. Les emplois non routiniers qui permettent à ces capacités d'avoir un effet multiplicateur sur le résultat global sont des candidats évidents. On pourrait suspecter que l'invocation de l'absence de routine, nouvel étendard de la stratification du travail, ne revient qu'à substituer une nouvelle boîte noire à l'ancienne. Mais invoquer l'effort et la motivation, comme si c'était des facteurs simples, soulèverait exactement la même objection. Septièmement, alors que le talent est placé au sommet de l'imputation individuelle de la performance, le modèle que j'ai examiné sollicite, et je vous demande de retenir le mot individuel, le modèle que j'ai examiné sollicite aussi, c'était mon dernier point tout à l'heure, comme un complément essentiel, un mécanisme d'appariement assortatif, autrement dit de travail en équipe, mais composé d'une certaine manière, cette équipe. Et, pensez-y, ce mécanisme-là, c'est une machinerie inégalitaire, beaucoup plus puissante que toutes les autres, parce qu'elle est beaucoup plus difficilement délégitimable. Merci. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 6 avril 2018 le cours de Pierre-Michel Minguer. Aujourd'hui, qu'est-ce que le talent ? Conclusion. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minguer. Le sociologue vient de diriger Le Talent en débat, ouvrage à paraître prochainement aux éditions du PUF. Réalisation Ghislaine David. Iconographie web Claire Poinsignon, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nouvelle série en compagnie de l'anthropologue Philippe Descola. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.